Le vent faisait l'amour avec le sable dans un château de toit. La lune promenait le long des vagues, sa flamme douce et pâle. Et nous avions le cœur à marioter, le cœur prêt à chanter. On se sentait si bien l'un contre l'autre qu'on s'est mis à danser. On a dansé tout seul sur cette plage et je garde cette image jusqu'au lever du jour. Tu danses, danses, danses, danses dans mes nuits et danseras toujours. Il n'y avait ni piste ni musique au bal de l'océan, mais j'entendais des pages symphoniques dans les violons divins. On s'est menoudé sur cette plage dans un long, très long voyage. La peine danse, danse, danse, danse dans mes nuits et dansera toujours. Nos souvenirs sont des photos de mots sans avenir. Tu es si loin, tu es trop loin, tu ne pourras jamais me revenir. Je t'aime, te déteste, puis je t'aime, te déteste, puis je t'aime. Toi la haine et l'amour, tu danses, danses, danses, danses dans mes nuits et danseras toujours. Je t'aime, te déteste, puis je t'aime, te déteste, puis toi la haine et l'amour. Tu danses, danses, danses, danses dans mes nuits et danseras toujours.